Salut ma chérie, c'est moi, c'est Julio. Enchanté. Pour moi, c'est un plaisir de partager ce message. Et bien sûr, j'aimerais commencer pour parler un peu sur moi. Alors, je suis mexicain, comme j'avais écrit dans les chats. Et j'ai 36 ans. Et pour moi, c'est incroyable de pouvoir partager beaucoup de choses avec toi, des idées, des sentiments. Et bien sûr, tu m'as posé la question sur qu'est-ce que je déteste et qu'est-ce que j'aime. Et bien sûr, on peut commencer et peut parler sur quelles choses je déteste, ou quel sujet, ou quelle situation je déteste. Bon, à mon avis, une chose dans le monde qui est des toasts, c'est la guerre. Et je ne peux pas comprendre et pourquoi les êtres humains font la guerre. Ils font la guerre. Pour moi, la guerre, c'est les mauvaises manifestations. La pire manifestation de l'être humain, c'est une expression quand les êtres humains ont perdu le respect pour les autres. Et bien sûr, la guerre, on doit dire, c'est un business pour quelques entreprises ou quelques pays pour s'approprier de ces ressources. Et pour ces raisons, je déteste la guerre.